bras, les pieds joints, sautez devant vous. Et retournez-vous tout en criant miaou. Sortez les griffes face à face, frottez le menton. On se retourne vers un autre chaton. Hop, petit pas de côté en criant miaou. Pliez les genoux et puis relevez-vous. Tout en faisant miaou, miaou. Reparez, on remet ça. Et voilà la danse des petits chats. L'un derrière l'autre en file indienne pour attraper la queue du chat. On se déhanche, on se démane à qui attrapera la queue du chat. L'un derrière l'autre en file indienne pour attraper la queue du chat. Les pieds joints, sautez devant vous. Miaou. Et retournez-vous tout en criant miaou. Miaou. Sortez les griffes face à face, frottez les moustaches. Miaou. On se retourne et on joue à cache-cache. Hop, petit pas de côté en criant miaou. L'un derrière l'autre en file indienne pour attraper la queue du chat. On se déhanche, on se démane à qui attrapera la queue du chat. L'un derrière l'autre en file indienne pour attraper la queue du chat. Sautez devant vous. Miaou. Et retournez-vous tout en criant miaou. Miaou. Sortez les griffes face à face, cherchez la souris. Miaou. Regardez bien celle qui vous sourit. Hop, petit pas de côté en criant miaou. Et pas.